cours numéro 17. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillahi rabbil alameen, wassalatu wassalam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala al-imam Abdurrahman ibn Nasir al-Sa'di rahimahullahu ta'ala, sabi'an, le septième fruit. On est toujours dans al-thamarat concernant la foi. قال ومنها أن أصحاب الإيمان ومنها أن صاحب الإيمان يهديه الله إلى الصراط المستقيم ويهديه في الصراط المستقيم يهديه إلى علم الحق وإلى العمل به. فمن الثمرات أن celui qui fait des efforts pour apprendre l'iman, pour mettre en application selon ses capacités, أن الله عز وجل يهديه, الله il le guide. وبهديه في الصراط المستقيم يهديه إلى علم الحق. Et si il emprunte le chemin de la vérité, Allah subhanahu wa ta'ala, il va le guider pour connaître cette vérité. Ça montre que celui qui veut le haq et qui fait les efforts pour connaître ce haq, cette vérité, Allah subhanahu wa ta'ala, il le guidera. Donc beaucoup d'égarements, beaucoup d'incompréhensions, c'est dû à la mauvaise intention. Falihada, on doit faire attention. Anna al-asl, la base des œuvres, c'est an-niyya. Innama al-a'malu bin-niyyat. Fahdhar, que ton intention, ça soit pas pour plaire à un tel, pour gagner de l'argent, que ton intention, ça soit pas de faire du mal à un tel sans aucune raison, iyadun billah. Celui qui a comme intention de suivre la vérité, de connaître la vérité, de mettre en application la vérité, Allah subhanahu wa ta'ala, il est juste. Khas satan si ce abd, il fait des efforts. Donc, nastavid nahnu, huna une faïda azima, on doit avoir l'intention de suivre la vérité, on doit faire des efforts pour suivre la vérité, et on doit demander à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous guide. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous guidera. نسأل الله عز وجل الهداية للجميع. قال وإلى العمل به وإلى تلقي المحاب والسرور بالشكر وتلقي المكاره والمصائب بالرضا والصبر. كذلك الله سبحانه وتعالى يفاسيليتيرا هذا العبد la connaissance de la vérité, bien sûr en faisant des causes, et كذلك يفاسيليتيرا à ce عبد العمل به. لأن connaître la vérité, c'est une chose. La mettre en application, c'est une autre chose. On doit toujours demander à Allah subhanahu wa ta'ala ilman nafi'an wa amalan salihan maqboulan, comme c'est cité dans certains hadiths du prophète alayhi salatu wassalam. Wa ila talaqi al-mahab wa surur bi-shukr. Kadhalik Allah subhanahu wa ta'ala lui facilitera d'être reconnaissant. Si ce abd il est comblé par un bienfait, que ce soit dunyawi ou ukhrawi, concernant ce bas monde ou l'au-delà, enfin, ce abd, il sera reconnaissant. Pourquoi certains ils sont reconnaissants et certains ils ne sont pas reconnaissants? Pourquoi certains ils mettent en application la science et d'autres ils ne mettent pas en application? Il y a des causes, bien sûr, et c'est parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il a guidé haoula, il n'a pas guidé les autres. At-tawfiq c'est biyadillah. Celui qui arrive à adorer Allah subhanahu wa ta'ala, à être reconnaissant, à être patient, tout ça c'est min tawfiqillah. Et chaque chose elle a des causes. Enfin, pour connaître la vérité, la cause c'est d'apprendre. Pour mettre en application, la cause c'est faire des efforts. Pour être reconnaissant, la cause c'est de préparer ton cœur à cette reconnaissance. Ne pas oublier, ne pas tomber dans l'insouciance, etc. Dès que la lecture du Coran, les bonnes fréquentations, tout ça, ça t'aide à être reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalik as-sabr, il a des causes. Anna, si tu es touché par une musiba, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est qu'il veut ton bien. C'est pour te purifier de tes péchés, c'est pour t'élever. Kadhalik, si tu es touché par une épreuve, d'autres, ils ont des épreuves beaucoup plus difficiles que toi, ça va t'aider à patienter. Kadhalik, si tu es touché par une épreuve, ce bas monde, il est éphémère. Allah subhanahu wa ta'ala, il éprouve le mu'min. Tout ça, ça aide à patienter. قال والتلقي المكاره بالمصائب أو نعم والتلقي المكاره والمصائب بالرضا والصبر. On a cité la patience et il a cité كذلك الرضا. الرضا c'est un niveau encore plus élevé. C'est d'être satisfait de cette épreuve. Tu as plusieurs degrés par rapport aux épreuves. Quand le mu'min il est touché par une épreuve, il y a ceux qui ne patientent pas. يتسخطون ويسبون et ils perdent leurs moyens, ils tombent dans le péché. Et il y a ceux qui appliquent l'obligation, le minimum, ils patientent. Il y a ceux qui ont atteint un niveau plus élevé, rida, ils sont satisfaits. Il y a encore un niveau plus élevé encore, ils sont satisfaits et ils sont reconnaissants. Comme un musulman, entre guillemets, normal, il est reconnaissant quand il est touché par un bien, Haoula, ils ont atteint un niveau plus que la normale. Ils sont touchés par une épreuve. Comme Anta ou Ana, on est reconnaissant quand on est touché par un bien. Haoula, ils sont reconnaissants quand ils sont touchés par une épreuve. Et tout ça, c'est min fadlillahi azza wa jal. Et vous avez remarqué que ces degrés, c'est par rapport à l'iman. C'est pour ça que Cheikh Saadi l'a cité. Celui qui a un iman qawi, ça va donner le fruit de shukr. Celui qui a un iman qawi, lakin inférieur au premier cas, il aura rida, il sera satisfait. On parle par rapport aux épreuves. Celui qui a un iman, il fait les obligations, il a le il ne tombe pas dans le haram, il sera patient. Celui qui a des faiblesses, qui n'est pas prêt, cette épreuve, elle le fait tomber dans l'interdiction, et il dira des choses, il fera des choses qui sont interdites. قال الله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم. Ça, ça nous montre une des causes de l'hidayah, c'est l'iman. Al-bahuna ba sababiyya. C'est ba ou sabab. Ay yahdihim rabbuhum bi imanihim, ay bi sabab imanihim. Ay la cause de leur guider, c'est l'iman. Qala, wa qala ta'ala, wa ma asaba min musibatin illa bi idhnillah. Wa man yu'min billahi yahdi qalbah. Ça, ça nous montre pour patienter face aux masaib, aux épreuves, une des causes, c'est l'iman. La foi. وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ Celui qui croit en Allah subhanahu wa ta'ala, يَهْدِي قَلْبَهِ Allah, il va apaiser son cœur. قَالَ بَعْدُ السَّلَفِ وَهُوَ الرَّجُلُ تُصِيبُهُ الْمُصِيبَةِ فَيَعْلَمْ أَنَّهَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ فَيَرْضَ وَيُسَلِّمْ Certains salafs, ils disaient, أي قوله عز وجل وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِي قَلْبَهِ Celui qui croit en Allah, Allah, il va apaiser son cœur. Il disait, c'est un homme, تُصِيبُهُ الْمُصِيبَةِ qui est touché par une épreuve. فَيَعْلَمْ أَنَّهَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ Il sait que cette épreuve, c'est min indillah. Ça, c'est la première étape. Ça, c'est la plus grande cause pour pouvoir patienter. Encore plus, être satisfait. Encore un degré plus élevé, être reconnaissant lorsqu'on est touché par une épreuve. On doit savoir que c'est min indillah. Enfin, pourquoi insulter? Pourquoi se lamenter? Pourquoi accuser? Bardohumi, il se déchire les vêtements, il se griffe le visage. Pourquoi? C'est min indillah. Quand ils sont touchés par une épreuve, qu'un homme, ils veulent se venger, ils veulent trouver un coupable, ils veulent... Alors que cette épreuve, c'est min indillah. On ne parle pas si l'insan subit une injustice, ne pas comprendre, tu subis une injustice et tu te défends. Tu as le droit de te défendre. Là, on parle d'une épreuve, on va donner un exemple pour que ça soit plus clair. Mathalan, Wahed, il perd un enfant à cause d'une maladie. Et les médecins, les docteurs, ils ont fait des efforts... Les parents, ils ont fait des efforts. Allah, il a qadr que cet enfant, il meurt. Je trouve certain, vu qu'ils ont un problème dans l'iman, qu'annahum, ils cherchent un coupable. Et ils se lamentent, et ils déchirent leurs vêtements. Belbardoum, ils n'arrivent plus à vivre. Alors que celui qui a repris cet enfant, c'est celui qui l'a créé. Enfin, tu n'es pas d'accord avec qui? Ça nous montre l'iman, celui qui a l'iman, il a perdu cet enfant. L'échec, ça va le rendre triste. L'échec, ça va être difficile à encaisser. Après, bien sûr, par rapport à la personne, par rapport à la foi, par rapport à plein de choses. Lakin, il n'y a aucun doute que ça fait du mal. Et c'est dur à encaisser cette épreuve. Lakin, si il sait, au départ, « As-sabru inda sadmatil oula » Hakada qal nabi sallam. La patience, c'est le premier choc. Dès que la nouvelle, elle tombe. Si il a hadal iman al qawi directement, il va dire inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Inna lillah et on appartient à Allah et il sait que cette musiba elle est min indillah. Et il sait que cet enfant il est mort et lui il mourra et tout le monde mourra. Donc son enfant il n'a pas subi d'injustice là, il devait mourir, il est mort. Kadhalik, il sait que cette ni'ma c'est Allah qui lui a donné. Qui c'est qui lui a facilité cet enfant? Qui c'est qui a créé cet enfant? C'est Allah. Allah subhanahu wa ta'ala, il a décrété que ce jour-là, il récupérerait cet enfant. Cet enfant, il fait partie du mulk d'Allah. Il appartient à Allah. Personne ne t'a rien pris. Allah subhanahu wa ta'ala, il a décidé que cette créature, son abd, il mourrait ce jour-là. Kadhalik, si on rajoute, pour compléter notre exemple, il est satisfait, pourquoi? Parce que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a décrété, et il se soumet. Ce qui aide encore plus, c'est, dans l'exemple qu'on a donné, la perte d'un enfant, c'est la science. Si tu sais que cet enfant, il est mort en bas âge, les enfants des croyants qui meurent en bas âge, ils sont fil jannah, selon l'unanimité. Alhamdulillah, cet enfant, il serait resté ici-bas, avec toi, peut-être à tes côtés, peut-être qu'il grandit, il te délaisse et il fait des choses. Takrah al-hayat ma'a. Ayyadam billah. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qui préserve nos enfants. Peut-être que c'est un énorme bien. Il est mort et on va tous mourir, il allait mourir un jour. Alhamdulillah, il est mort en bas âge. Et les enfants croyants, ils sont fil jannah. Kadhalik, celui qui perd des enfants en bas âge, ses enfants, ils intercéderont pour lui yawm al-qiyam. Cet enfant, tu ne l'as pas perdu. Abaten. Cet enfant, Allah subhanahu wa ta'ala, il te l'a donné. Et il est mort. Et si tu patientes et tu as tout fait pour l'élever selon les principes de l'islam, etc., cet enfant, tu l'as qaddam pour l'akhira. Certains, ils font des placements fi dunya. Ils investissent, ils placent de l'argent huna et ils espèrent certains profits fi dunya. N'oublie pas que cet enfant, c'est quelque chose que tu as qaddam pour l'akhira. Dans le hadith, les enfants des croyants ne rentreront pas fil al-jannah. Ils attendront devant bab al-jannah et ils prendront leurs parents par la main et ils rentreront ensemble fil al-jannah. Pense à ça. Mais ceux qui pensent qu'à dunya, là, ils pensent qu'à cet instant où l'enfant il le tenait par la main fil dunya et ça s'arrête là. Et après, il a du mal à vivre. Là, alhamdulillah, on est des mu'minoun. On a cette croyance. Mu'min bil-akhirah. Kadhalik, les enfants des croyants, ils sont avec Ibrahim. Et ils apprennent le Coran. Alhamdulillah. Malgré cela, c'est difficile. Et bien sûr, c'est plus facile à dire que celui qui est touché par cette épreuve. Ça doit être très difficile, là, chaque. Lakin, l'ilm, c'est important. Et on est obligé de se faire ce genre de rappel. Et Cheikh Sadi, rahimahullah, il a cité ça pour te montrer que c'est une thamara azim, l'iman. Ça t'aidera à patienter, belle, à être satisfait. Encore plus, celui qui arrive à atteindre le niveau du chouk lors des épreuves. قال ولو لم يكن من ثمرات الايمان الا انه يسلي صاحبه عن المصائب والمكاره التي كل احد عرضه لها في كل وقت ومصاحبه الايمان واليقين اعظم مسل عنها. نعم, s'il y aurait que ce fruit, ça serait un énorme fruit. ان lors des épreuves, هذا الايمان يتسر, c'est une énorme cause pour t'aider à patienter, pour tenir. C'est pour ça que si tu penses au cas, à la situation des kafara, al-yahoud, al-nasara, al-rafida, al-mushrikin, jami'a al-kuffar, quand tu penses à leur situation, ils sont fait ta'ab, shadid. Wallahi, leur cas, il est catastrophique. Anta, alhamdulillah, comme a dit al-Shir Sa'di, on est tous confrontés à ça. Allati kullu ahadin urdatun lah. On est tous confrontés. Les croyants, les mécréants, tout le monde est confronté à la perte d'un proche, la perte d'un parent, la maladie, la pauvreté. Tous. Le mu'min, il a quelque chose d'azim. C'est ça, l'iman. À ton avis, pourquoi certains kuffars ils mettent fin à leur jour? Wallahi, c'est que les épreuves. Pourquoi certains kuffars ils perdent la raison, ils finissent à l'hôpital psychiatrique? Wallahi, c'est les épreuves. Pourquoi certains ils n'arrivent plus à vivre, ils tombent malades? Le diabète, la tension, etc. Les koufars, pourquoi? Parce que l'iman, certains croyants, à cause de faiblesse de foi, ils ont certains de ces méfaits. Ahmadillah, l'iman. Et on peut ajouter une précision, Allah alam, est-ce qu'il va la faire? L'iman ou bil qadr, la foi au destin, c'est très très profitable. Isma, قال ومصاحبة الإيمان واليقين أعظم مسل عنها ومهون لها. Celui qui a l'iman, la foi, et l'yaqin, la certitude. Mais celui qui a l'iman, lakin il a des faiblesses, des manquements, etc. Celui qui a des doutes, c'est encore plus grave. Là, chacun, il se fera beaucoup de mal s'il est touché par quelque chose. Il se fera du mal à lui, peut-être, et aux autres. Mais celui qui a l'iman ou l'yaqin, il est fait khayr azim. Azam musallin anha. At-tasliya, c'est une chose qui te console. Et tu as une chose sur laquelle tu peux t'accrocher. C'est comme Wahed qui est en train de se noyer et Wahed, il lui tend une bouée de sauvetage. Tu ressens dans ce cas-là, raha, et tu ressens que la bouée de sauvetage, c'était une énorme cause pour que tu ne te noies pas, etc. C'est un iman pour le mu'min. Les fitan, les problèmes, les soucis, c'est comme des vagues. Et le mu'min, ahyanan, il est plongé au milieu de ces vagues. Al-Iman, ça lui sert de bouée de sauvetage. Voilà où certains se noient, voilà où certains n'arrivent pas à patienter, etc. Huwa, alhamdulillah, avec hadha al-Iman, tout ça bi'idnillahi azza wa jal, il arrive à s'en sortir. Donc c'est quoi que tu dois préparer, akhil karim? On répète que l'amshir sa'adi, allati kullu ahadin urdatun laha. On doit se préparer. On doit se préparer. Peut-être que demain... un de nous il va perdre un proche, peut-être que demain un de nous on va lui annoncer une maladie, peut-être que demain un de nous... Les épreuves ça arrive, on est fils d'Onia. On doit se préparer, c'est pour ça que on étudie ce genre de livre. Al-Kitab c'est une préparation azim pour ici-bas et dans l'au-delà. Certains ils se préparent physiquement. On a cité cet exemple, on le recite, certains ils se préparent physiquement. Madri, Ganom ils vont préparer. Certains c'est des professionnels... Ils s'entraînent, ils touchent des énormes sommes, ils ont des compétitions. C'est une énorme fitna pour eux. Si c'est des musulmans, qu'Allah les guide. Si c'est des kuffars, enfin, ça fait partie de leur passion et leur objectif, c'est que cela. Tu trouves, Ba'duhum, c'est ni des professionnels. On n'appuie pas le sport professionnel. Abedan, lakin pour vous montrer, c'est ba'id, ni c'est un professionnel, ni il touche de l'argent, et tu le trouves, il pense qu'à ça. Encore, celui qui touche des énormes sommes, il est attiré par cela parce qu'il y a ce salaire. Mais hada, c'est une énorme fitna pour lui. Là, tu trouves, pardon, ni argent, ni perte de temps, et il pense qu'à ça. Le sport, c'est taïb, lakin, on ne doit pas en faire une fin en soi. Là, le sport, c'est pour garder la santé. Alhamdulillah, c'est une cause pour ne pas être touché par certaines maladies. C'est une cause pour nashat. C'est très, très important, même pour talabat al-ilm, de faire un minimum de sport, sans rentrer dans leur système de sport à la professionnelle avec le haram. Ça, bien sûr, on n'en parle pas. Lakin, tu trouves, Wardoum, leur préparation, toute une grosse partie de leur vie. Il arrive 15, 16 ans, ils tombent dans cette fitna, au même âge qu'à 45 ans, Wardoum, ils ont encore 60 ans, et ils parlent que de sport, ils pensent qu'au sport, les entraînements, qu'annahu, tu te prépares à quoi? Tu finiras enterré comme tout le monde. Qu'est-ce que tu prépares? Là, prépare ce cœur, tu les trouves, Adam, physiquement, ils sont prêts. Niveau cardio, ils sont prêts. Une épreuve, ils pleurent comme un enfant, ils ne savent même plus comment faire. Enfin, tu t'es préparé à quoi? Tu trouves, واحد من المؤمنين. ربما الجسم il est ضعيف à cause de la pauvreté, à cause de beaucoup de choses. Et tu le trouves, عند الابتلاء, lors de l'épreuve, يصبر ويثبت كالجبل. Il est stable comme une montagne. Enfin, non, ça, ou là, de donner de l'importance, la base, c'est de préparer ce cœur. Fais-moi, alhamdoulilah, tu veux faire du sport et c'est autorisé sans perdre ton temps, sans faire de haram. Personne ne t'interdira hada. Lakin, on revient toujours, c'est une histoire de priorité. Qala al-shaykh rahimahullah. Wa muhawwin laha. Ça va t'alléger cette épreuve. أي الإيمان واليقين وذلك لقوة إيمانه وقوة توكله ولقوة رجائه بالثواب ربه. C'est quoi qu'il l'aide à patienter, c'est ce iman. Pourquoi? قال. Et donc il a un iman قوي. Il a une foi très élevée. كذلك قوة توكله. التوكل أي il place sa confiance en Allah. Pourquoi? لقوة رجائه بالثواب ربه. أولا il espère la récompense. L'exemple, la perte d'un enfant. On a cité, il espère la récompense, que son enfant il intercède pour lui au Qiyam. Ça, c'est une récompense. Kadhalik, s'il patiente, il espère bien sûr la récompense d'Allah. Il a été prouvé. Il a perdu cet être qu'il aimait tant. Allah, il le récompensera s'il patiente. قال وطمعه في فضله. Kadhalik, si Allah subhanahu wa ta'ala t'a éprouvé et tu es croyant et tu fais des efforts dans ton din, c'est qu'il t'aime. إِذَا حَبَّ اللَّهُ قَوْمًا ابْتَلَاهُمْ. Les prophètes et les messagers, ils ont été éprouvés. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il les aime. Enfin, on ne doit pas oublier cela. Amma, l'insouciance, encore plus la mécréance, rejeter ces points, ça fait tomber l'insan dans le désespoir directement. Beaucoup de gens, ils sont attachés à quoi ? À notre époque. On prend l'exemple des mécréants, maintenant. À l'argent, à la bonne santé et à la famille. Ces trois piliers. Tu touches à un des trois, vu qu'il n'a pas la foi. Il n'a pas l'yaqin. Et cette chose sur quoi se reposer, s'accrocher, s'il est touché dans un de ces trois piliers de ce bas monde, ça lui fait énormément de mal. Il perd la santé, on lui annonce un cancer, khalas. Il se fait renvoyer de son travail, khalas. C'est une énorme épreuve. Ou il perd un de ses proches et il n'arrive pas à patienter. Pourquoi les énormes sont accrochés à cette dunya ? Amma, celui qui a l'iman et qui espère la miséricorde d'Allah, et il espère la récompense, et il sait que ces choses, ça fait partie de dunya. Et ces choses, ça disparaîtra, et ces choses, c'est éphémère. La santé, c'est éphémère, les proches, ils disparaîtront, et nous-mêmes, on disparaîtra, et l'argent, c'est éphémère. Tout ça, ça peut être bénéfique si c'est utilisé, fait ta'atillah. Avec cette conception des choses, là, chacunna. Le mu'min, il profitera de ce bas monde, ce que Allah lui a décrété. Et s'il est éprouvé par un manquement dans une de ces choses, il patientera. قال رحمه الله فحلاوة الأجر تخفف مرارة الصبر. هذا كلام جميل. حلاوة الأجر. La récompense, elle a une saveur. C'est ça le halawa. مثلاً, on garde toujours notre exemple avec la perte d'un enfant. La chakana, si on te dit que ton enfant, bi'idnillahi azza wa jal, comme tous les autres enfants qui meurent, qui sont à l'origine, leurs parents, c'est des croyants, c'est des enfants de croyants, bi'idnillahi azza wa jal, ils rentreront fil jannah. Et kadhalik annahu, il peut intercéder pour toi et tu as une énorme récompense. La chakana, hadhihi al-halawa, cette saveur, cette récompense, ça va alléger mararat as-sabr. Et ce goût amer que tu ressens lors de l'épreuve, la patience, c'est chédid. Tu ressens de la marara, sobr. Ça demande cette patience. Tu sens qu'il faut un effort. Cette douceur, ce goût de la récompense, ça va alléger le goût amer de l'épreuve de la patience. Hada kalamun jamil. Fahalawatul ajr tukhaffif mararat as-sabr. Celui qui n'a pas hada al-i'tiqad, ce iman, il ne goûtera pas à cette halawa et il se concentrera que sur le marara. Même s'il veut patienter, il n'aura pas la force. Et hadhihi al-marara, cette douleur, ce goût amer, il va le ronger de l'intérieur. C'est pour ça que tu les vois sur leur visage. Tu vois, ba'd an-nas, ils ont perdu un proche. Ou ils ont été renvoyés du travail, ou ils ont divorcé. Ou une épreuve parmi les épreuves. Wallahi, tu le rencontres un an après, tu le vois encore sur son visage. Les ba'd an-nas, il est rongé de l'intérieur. Il n'a pas une chose pour alléger hada ou pour repousser hada. Et tu le trouves, ça les a poussés à des maladies graves, et bardohum, ils en sont morts à cause des épreuves. Pourquoi tout cela ? Pourquoi tout cela ? L'insan aura des comptes à rendre. Les maladies, le désespoir, le fait d'oublier Allah, le fait de ne pas faire du dhikr, le fait de ne pas l'adorer, tout ça, l'insan, il rendra des comptes. On n'a pas été créé que pour être dunya. قال رحمه الله قال الله تعالى إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. Ce verset a été révélé par rapport au jihad. La chakana, al jihad, c'est difficile. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تحبوا أو وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. ففي القتال, un être humain normal, tu n'aimes pas te battre, combattre, blesser, te faire blesser. Al-jihad, ça demande la patience, ne pas dormir la nuit, le froid, les blessures, la douleur. La chakana, l'être humain, fit tabi'ati, il n'aime pas cela. Lakin, vu que c'est une ibadah, Maintenant, on prend l'exemple de Sahaba, radiyallahu anhum, ils l'ont fait. Et ils ont patienté, et ils ont eu une énorme récompense. Allah subhanahu wa ta'ala qal, in takunu ta'lamun. Et si vous souffrez la faim, la soif, les blessures, etc., durant le djihad, fa innahum ya'lamun. Eux aussi, ils souffrent. Ça, c'est pour. Ce verset a été révélé pour réconforter As-Sahaba et tous les mujahidin fi sabili al-haq wa fi sabilillah. Si tu souffres, eux, ils souffrent. Déjà, hada, ça te permet de patienter. Tu n'es pas le seul à souffrir. L'ennemi, kadalik, il souffre. Kama ta'lamun, il souffre comme vous souffrez. Wa tarjouna min Allah ma la yarjoun. C'est quoi la différence? C'est quoi la différence entre al-mujahidun fi sabilillah qui combat dans le sentier d'Allah, li i'la kalimatillahi azza wa jal, et il patiente beaucoup, et les autres qui ne patientent pas? Pourquoi? Li'anna al-mu'min, il sait qu'il combat ses fils sabilillah, il a une énorme récompense à l'atteint. C'est pour ça que sahaba radiyallahu anhum, ba'dhum, ils s'empressaient de combattre et ils espéraient cette récompense. Et ils se faisaient tuer fi sabilillah et là chacun d'eux ils auront une énorme récompense. Amma al-adou, al-adou qui combat l'islam et qui n'a pas cette aqida, il n'espère rien. Bel huwa, son rêve ça serait d'être auprès de sa famille, ses enfants, manger, être en sécurité. Il se retrouve hakada sur le front. C'est très très difficile. Beaucoup de morts dans les guerres, surtout les grandes guerres comme la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, beaucoup de morts, c'était des suicides. C'était très difficile à patienter. Les malades, ils s'entretuaient entre eux, pire que des animaux. Pourquoi? Ils espéraient tous dunya. Et ils savaient qu'en allant au front, ils allaient perdre cette chose qu'ils aimaient tant. C'était très difficile pour eux. C'est pour ça que beaucoup, kadhalik, ils ont perdu la raison. As-Sahaba, radiyallahu anhum, ils ont fait énormément de batailles. Et on a commencé, wallahi alhamd, aujourd'hui, dans notre étude de la Sira, les premières batailles, ils en ont fait énormément, radiyallahu anhum. Personne parmi Sahaba n'a perdu la raison. Abadan. Pourtant, ils ont subi le blocus de l'Ahzab, ils ont été chassés, beaucoup parmi eux, ils sont morts, des blessures, etc. Alhamdulillah. Al-Kuffar, beaucoup moins que ça, ils perdent la raison. In takunu ta'lamun fa innahum ya'lamun kama ta'lamun wa tarjuna min Allah ma la yarjun. Fa ash-shahid qawluhu wa tarjuna min Allah ma la yarjun. Ar-raja, si tu espères la récompense عند Allah, ça va te permettre de patienter face au alam. Al-alam kama fi qawli 'azza wa jalla in kuntum ta'lamun. Al-alam, c'est la douleur, la souffrance. Que ça soit fil jihad, que ça soit une épreuve, ce qui permet d'alléger cette douleur, c'est ar-raja. Espérer min Allah. N'oublie jamais Allah. N'oublie jamais Allah. Et pour ne pas oublier, il faut faire des efforts dans l'ilm, il faut faire des efforts dans la mise en pratique, il faut lire beaucoup le Coran, il faut faire du dhikr. Tout ça, ça fait vivre le cœur. Et l'insan, quand une épreuve est le mien, il est prêt. Amma, pensez qu'au sport, pensez qu'au travail, pensez qu'à la famille, qu'aux enfants, qu'au projet de dunya, qu'aux vacances. Une épreuve, elle vient, le cœur, il n'est pas prêt. C'est pour ça que, bon, ils sont touchés par l'épreuve, tu le rappelles. Tu le dis, ah, foulain. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a décrété. Il te regarde. Obama, il te dit oui. Il hoche de la tête. Oui, il n'est pas prêt. Il n'est pas prêt. Tu le laisses 2 secondes après. Il retombe dans son insouciance, dans sa tristesse. Et Obama, ça le détruit. Ah, là, ça demande une préparation. As-Sahaba radiyallahu anhum, l'exemple qu'on a cité en se basant sur le verset. Ils ont patienté sur le djihad. Allah, il leur a donné le secours. Imma al-Nasr. Imma, ils avaient la victoire. Imma al-Shahada. Imma, ils mouraient fi sabilillah. Ils n'avaient rien à perdre. Ils avaient tout à gagner. Lakin, il y a une énorme préparation. Ilm wa amal wa du'a, qira'at al-Qur'an, les fréquentations, ils étaient avec Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Le mujtama, ça a donné des hommes. Amma, wahad, il pense qu'à jouer, il pense qu'aux vacances, il pense qu'au travail, il pense qu'au sport, il pense qu'à son physique. L'épreuve, elle vient, elle ne fait aucune différence. Tu t'es entraîné, tu t'es pas entraîné, ça change rien. C'est le cœur, est-ce qu'il est prêt? Amla. Qala wa lihada tajid itni. تصيبهم مصيبة واحدة أو متقاربة وأحدهما عنده إيمان والآخر فاقد له تجد الفرق العظيم بين حاليهما. Tu trouves deux personnes. On garde toujours notre exemple, la perte d'un proche. Deux hommes. Les deux ont perdu un proche, leur père, leur mère, un enfant. Tu trouves واحد. On قدر, ils ont presque le même âge, le même physique, la même santé. مهم. Deux hommes. Et tu trouves un, il patiente, l'autre, il n'arrive pas à patienter. Pourquoi? C'est quoi la différence? قَالَ تَجِدَ الْفَرْقَ الْعَظِيمَ بَيْنَ حَالَيْهِمَا وَتَأْثِيرِهَا فِي ظَاهِرِهِمَا وَبَاطِنِهِمَا وَهَذَا الْفَرْقَ رَاجِعِ إِلَى الْإِيمَانِ وَالْعَمَلِ بِمُقْتَضَاهُ. Tu trouves une différence énorme في الباطن أي على الانتيريور son cœur, sa façon de penser, etc. Et كذلك الظاهر. والله le visage c'est pas le même. Tu trouves هذا, ça se voit qu'il est triste. Maintenant tu vois ses yeux humides, il a pleuré, tu vois. Mais alhamdulillah. Alhamdulillah, il est capable de tenir une discussion, quelques jours après, quelques heures, il rigole, alhamdulillah, khalas. Il fait sa vie. Tu trouves l'autre, tu le vois dans le visage, c'est plus le c'est pas les mêmes hommes. Tu vois une énorme différence. C'est quoi? C'est l'iman, la foi. Et l'amal bimuqtawa. Celui qui a patienté, il a fait beaucoup d'efforts dans la science, dans la mise en application, dans tatbiq sunna, etc. L'épreuve, il était prêt. L'autre, il a eu de la négligence, ou il a délaissé des manquements, il n'était pas prêt. Qala kama annahu yusalli inda wurud al-masa'ib wal-makarih, fa innahu yusalli inda faqd al-mahab. C'est cet exemple qu'on a cité. Aïe, l'iman, ça aide quand tu es touché par une épreuve, et ça aide quand tu perds un proche. Et là, chacun a perdu un proche, c'est une très grande épreuve. قال فإذا فقد المؤمن حبيبه الذي تمكن حبه من قلبه من أهل وولد ومال وصديق وشبهها تسلى بحلاوة إيمانه والإيمان خير عوض للمؤمن عن كل مفقود كما هو مشاهد ومجرم. صحيح أن quand tu perds un proche, ça peut être un membre de ta famille, ben ça peut être un parent, ça peut être un enfant, ça peut être même un ami. Et là, Irfan, certains amis vraiment proches, Robama, tu as plus de liens, tu les connais plus que certains membres de la famille que tu ne vois pas beaucoup, etc. Donc, faqd al-ahbab, ce n'est pas que la famille, ça peut être un ami. Al-Mu'im, quand tu perds ce proche, tu ressens un manquement. Tu ressens, khasatan, s'il vivait avec toi comme un enfant, tu avais l'habitude de le voir faire ci, faire ça, etc. Cheikh Saadi, rahimahullah, قال, وَالْإِيمَانِ خَيْرُ عِوَضُ. L'iman, il va t'aider à combler ce manque. Combler ce manque avec la lecture, avec le rappel, avec l'ilm, avec la mise en application, kadhalik que tu espères la récompense, etc. Tout ça, ça va combler ce manque. Amma ba'dhum, ils n'ont pas de quoi combler ce manque. Le cœur, il est vide. Bel al-shaytan, il en profite pour semer encore plus la terreur, et tu trouves, hada al-insan, il n'arrive pas à patienter. Wallahi ba'dhum, ils se sont suicidés. Ils ont perdu un proche. Ils ne peuvent plus tenir. Hatta ils se suicident. Na'oudou billah. قال وفقد المحبوب في الحقيقة معدود من المصائب. Il n'y a aucun doute. Mais pourquoi il l'a cité? Pourquoi il l'a cité à part? Pourquoi il l'a cité comme exemple? Il y en a, c'est une très très grande épreuve. Et tout le monde est touché par elle. Tout le monde. Si ce n'est pas aujourd'hui, ça sera un autre jour. Tout le monde perdra. Il met un enfant, il met un parent, il met un frère, il met une soeur, il met un ami. قال ولولا أن يعقوب. ثم il a cité deux exemples. L'exemple de Yaqub, le père de Youssouf. Thumma l'exemple de Om Moussa, la mère de Moussa. Les deux, ils ont perdu leur enfant. Ces exemples, c'était une perte à un temps précis. C'était pas la mort. Lakin, c'est des exemples très, très profitables. Qala, walawla anna Yaqub, alayhi salatu wassalam, عنده من الإيمان ما يهون عليه مصيبته في فقد يوسف مع شدة حبه العظيم بحيث قال لإخوته لما طلبوا منه بعض يوم. Donc c'est quoi qui a aidé Yaqub à patienter? Yaqub, il aimait énormément Youssouf. Et son histoire, elle est citée dans Sourate Youssouf. Alayhim as-salatu wassalam. Et quand il a perdu Youssouf, et il l'avait confié à ses frères, et ses frères, ils ont tout fait pour que Youssouf disparaisse. Limada, liyana Yaqub, il aimait, il sentait qu'il aimait plus Youssouf. Al-Qissa ma'rouf, hein. C'est quoi qui a aidé à patienter Yaqub? Tout ce temps, toutes ces années. Au début, Youssouf, c'était un enfant. Et à la fin, quand Yaqub il a rencontré son fils Youssouf des années plus tard, c'était un homme. Toutes ces années, c'est quoi qui l'a aidé à patienter? C'est Had al-Iman. Qala, lama talabu minhu ba'd yawm an yadhhab ma'ahum liyarta'a wa yal'ab. Qala, inni layahzununi an tadhhabu bih. Yaqub, c'était un prophète, alayhi salatu wassalam. Et là, chacun d'entre eux, il a senti que Haoulay préparait quelque chose. Fale hada qala, inni la yahzununi, et ça me rend triste que vous prenez Youssouf. Fa akhbara an al-mani' lahu min irsalihi annahu la yasbir ala firaqihi wala sa'atan min nahar. Donc, il craignait qu'il fasse quelque chose à Youssouf, et tellement qu'il l'aimait, il savait que ça allait lui faire beaucoup de mal. Donc il a tout fait pour pas qu'il parte avec eux. Donc, c'est ça. معروف انهم يزن يزن قال لهم بون بروند سوان ني با بور اكسيتيرا فارسله ليقضي الله امرا كان مفعولا سي الله سبحانه وتعالى كديكريتي هذا ليستوار دو يوسف سي ديفوني لوسون بور بور تو لي كرويان سي بور سا كو الله لا سيتي في القران فمن هذا فمن هذه حاله وهذا حبه البليغ الذي لا يمكن المعبر ان يعبر عنه هل يدخل في الذهن انه يبقى هذه المده الطويله على الوجود بل يغلب على الظن أن الحب يفتت كبده بأسرع وقت. C'est pour ça que cette épreuve, c'est pas tout le monde. Wallahi, la plupart des parents, ils auraient subi cette épreuve, ils perdent cet enfant qu'ils aiment tant à cet âge, toutes ces années, et le macre, il est venu de ses propres frères, etc. Beaucoup de parents, ils n'auraient pas pu patienter. Le père ou la mère, encore plus la mère en général. Lakin, قوة الإيمان وقوة الرجاء بالله أوجب له أن يتماسك كل هذه المدة حتى جاء الله بالفرج الذي وعد به المؤمنون. Il a patienté, les années elles sont passées et il a retrouvé son fils Youssouf عليه الصلاة والسلام. Et Allah سبحانه وتعالى les a élevés. Yaqub, c'est un prophète et Youssouf lui-même c'était un prophète. Prophète, fils d'un prophète. Yaqub, le père, fils d'un prophète, Youssouf. وكذلك أم موسى, deuxième exemple. حين ذهب اليم بموسى. L'histoire de Moussa qui est récitée dans, plusieurs versets, plusieurs sourates du Coran et plusieurs versets. Quand Moussa, alayhi salatu salam, elle a déposé son propre fils fil yam. Yam c'est le bahr, dans l'eau. Et elle a vu son propre fils partir. C'est très difficile hada pour une mère. Wa asbaha fu'aduha farighan min kulli shay. Comme c'est cité dans le Coran. Qala illa min al-huzn ala Moussa. Son cœur, asbaha farighan min kulli shay. Son cœur, il était vide. Elle pensait plus qu'à son fils. Ce bébé, c'était encore un bébé à cette époque, qu'elle a déposé dans l'eau. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a tout décrété. Et c'est le hakim. قال لولا أن الله ربط على قلبها بالإيمان وعلمت أن وعد الله حق لكادت تبدي ما في قلبها وتصرح بمصيبتها ولكن هو الإيمان المثبت عند الشدائد. C'est quoi qui a fait patienter Umm Moussa? C'est son iman et c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui lui a facilité. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a guidé. Et elle a patienté. Thumma qala al-musalli 'inda al-masa'ib al-muqawwi idha wahanat al-quwwa al-mu'azzi idha 'azza al-'azza. Na'am, thumma Allah subhanahu wa ta'ala lui a facilité en ceux qui ont récupéré Moussa. Ceux qui ont récupéré Moussa et Pharaon, l'ennemi d'Allah, l'ennemi de le futur ennemi de Moussa, lui-même il l'a élevé. Pharaon avait pris la décision d'égorger tous les garçons. Il égorgeait, tuait tous les garçons, il laissait que les filles. Et maintenant, il savait qu'il y a un prophète qui allait venir, enfin, il tuait tous les garçons. Allah subhanahu wa ta'ala, makara bi Pharaon, wa yamkurun wa yamkurullah. Quand il a trouvé Moussa, sa femme elle a trouvé Moussa, ils ont décidé de l'élever et lui c'était une exception. On ne le tue pas, c'est notre futur fils. Pharaon il l'a élevé, Moussa il a grandi, et Moussa, alayhi salatu wa salam, il a combattu Pharaon. Et quand ils ont récupéré Moussa, et Moussa il était petit, il avait besoin d'une femme qui l'allait, ils ont demandé, ils se sont renseignés, et c'est qui l'a allaité? C'est sa propre mère. Et eux, ils ne savaient pas que c'était sa mère. Enfin, la mère de Moussa l'a retrouvé son enfant. Andrew, celui qui patiente. C'est pour ça que lors de ces épreuves, si on patiente, on se remet à Allah, et on a l'aqida, Allah c'est le hakim, c'est le qawi, c'est l'aziz, on ne doit pas perdre nos moyens. On doit faire les causes. Et si on est sincère, العاقبه للمتقين كم الله سبحانه وتعالى الى élevé يعقوب و موسى عليهم الصلاه والسلام وقال النبي صلى الله عليه وسلم في وصيته العظيمه في حديث ابن عباس الصحيح الذي في السنن تعرف الى الله في الرخاء يعرفك في الشده c'est une autre façon de préparer les épreuves قال اي تعرف الى الله بالايمان واعمل الايمان وانت صحيح شحيح غني يعرفك الله في الشده يقويك على مباشرتها ويعينك على معالجتها واعظم شده تنزل بالمؤمن شده الموت والسكرات. Beaucoup de fois dans son texte on a répété qu'il faut se préparer ila akhir et ce hadith c'est ad-dalil. تعرف الى الله في الرخاء. Quand tu es en bonne santé, tu as de l'argent, etc. Tu n'as pas d'épreuves. Si tu adores Allah, et tu remplis tes obligations et tu fais des efforts, le jour où tu es fiché dedans, tu as perdu cet argent, tu as perdu cette santé, etc. Allah subhanahu wa ta'ala, il t'aide. Comme tu as été reconnaissant quand tu avais, quand tu n'as plus, Allah il t'aide. Hakada, on doit se préparer. Amal 1, tu le vois, Bardenaz, bonne santé, argent, ils ont du temps, enfin le sport, les vacances, les. Bardenaz, ils ne lisent pas un harf de Qur'an. Bardenaz, ils ne font pas salat. Quand ils sont touchés par une épreuve, khalas. Les pleurs, il faut emmener quelqu'un qui lit le Coran, il faut. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça qu'on règle les choses. قال هذا الحديث بشرى لكل مؤمن قد تعرف إلى ربه في رخائه أن يعينه في ذلك المقام الحرج والشدة المزعجة وضعف القوة وتكاثف الشياطين الذي يريدون أن يحول بين العبد وبين ختم حياته بالخير. Donc ce hadith, c'est une bouchra, c'est une bonne nouvelle pour tous les croyants. Donc pour préparer les épreuves, adore Allah subhanahu wa ta'ala. Suis le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Apprends ta foi, apprends ta aqida, fais des efforts. Le jour où tu seras éprouvé, Allah il t'aidera. Thomas, il a cité là une des épreuves. Un insan, il peut se faire éprouver avant sa mort. Ça, c'est une des plus grandes épreuves. Si les shayatines, ils assistent et ils essayent de te faire du mal, même avant ta mort, Allah subhanahu wa ta'ala قال فإن الله يعينه بتأييده وروحه ورحمته ولا حول ولا قوة إلا بالله. Allah il t'aidera. يذكرون أن الإمام أحمد رحمة الله عليه الإمام القرطبي لغابورتي في التذكرة et d'autres savants les مشهور à l'histoire أن son fils عبد الله il a rapporté أن quand son père il était malade الإمام أحمد إمام أهل السنة à son époque رحمة الله عليه et il perdait connaissance et son fils عبد الله il avait un tissu et l'imam Ahmed il suait sakarat al-maut il allait mourir et il avait un tissu pour le rafraîchir et il tenait son père. Thomas il a vu son père en train de parler. Son père, il dormait, il perdait connaissance, il se réveillait. Et l'imam Ahmed, il a dit, il faisait un signe avec la main, il disait, ba'd, ba'd, après. Et il laisse-moi, laisse-moi. Kanaou, il repoussait quelque chose. Enfin, son fils Abdullah, il a attendu que l'imam Ahmed, il se réveille une seconde fois, il lui a demandé. Il lui a dit, ya Abi, pourquoi tu parles avec qui, etc. Son père, il lui a expliqué. Il lui a dit, Shaitan. Shaitan, vu qu'il sait que c'est la dernière étape, il essaye de le faire tomber dans le fitna. Et l'imam Ahmed, il le repoussait. Qu'est-ce qui a thabbat had al-imam? Al-imam, à ce moment, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Tous les efforts, la prison, les coups de fouet, la patience, l'ilm, la mise en application de sunnah, les mises en garde contre zanadiqa wal mubtadi'a, Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a secouru. Et l'imam Ahmed, rahmatullah alayhi, chaque mu'min, on ne parle même plus de ahl sunnah, on parle chaque mu'min, même ahlul bid'a al-an, ils reconnaissent son fadl. Fa nas'alullah subhanahu wa ta'ala, الثبات والتوفيق. فسو سيتيام بوان il est très très profitable concernant l'iman انه c'est une énorme cause, c'est un fruit عظيم pour patienter face aux épreuves. فنسال الله عز وجل الصبر عند البلاء ونساله عز وجل السلامه والعافيه وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.